du mal ça engendre. Le sage j'ai un penchant que des racks dans la longchamp. A force de pépon tout le monde, ta bitch elle a mal aux jambes. Sors du dojo, éteins tous les projos. Mon homie dit je suis trop chaud, oublie pas quand t'étais fauché. J'ai la rage, un demi-million dans le sac donc je la rage. Tiens les cops dans les parages, mon roi a capturé un hop, m'a dit viens il est dans le garage. Je sais que j'ai vendu des trucs bizarres et c'est pas une fierté. J'y repense déjà petit, j'étais en manque de liberté. Maintenant au poignet j'ai une C610. J'ai ce que ma musique vaut même si je vends que 610. Qui a tous tes rappeurs qu'on a les meilleurs friandises. Putain j'ai trop la barre, j'écoute ce que mes clients disent. Frérot j'suis né en 9-6, faire le fait courir il est tombé, il a mal au coccyx. Tu connais la suite, le doc lui a prescrit des oxy. Dans toutes les zones bitch, sauf dans la zone 6. Baba, hey. Baba, brr, tu reconnais la rime. Produit que j'ai mis dans tes narines. Me tromper ça m'arrive, mais j'aime pas le bleu marine. Du rap fort, t'en voulais. T'es servi, j'ai des affaires. Le serbie dans la planque ont déjà servi. Dans la main droite j'ai le cup, dans la main gauche j'ai le cut. Je sais qu'elles veulent soulever la cup. Splash sur son make-up. Toutes ces salopes maker et mon Yankee ressemble à Kurt Cobain. Ces fils de pute nous ont pris pour des putains de cobayes. J'suis dans la mine à la recherche du putain de cobaye. Guita guitarisé, j'ai bien appris à viser bitch. La part est haussmanien, j'suis sur les Champs-Élysées bitch. Pinel 2-2, Malamé guisé. Et pour faire le plug va falloir se déguiser biche. Et pour la fin, SO, ta tricase, Patrickard sur la prod c'est des kamikazes.